quatre chansons qui suivent parlent d'une histoire assez inédite dans ma vie. Une fille qui, pourtant, même en portant le prénom de la Vierge Sainte, s'est servie de mon corps pendant 9 mois en tant qu'objet sexuel. Jouant à la fille amoureuse pour quelques coïts, brillant d'étoiles dans ses yeux pour du plaisir immédiat, le romantique que je suis y a cru. Puis, au bout de 9 mois, ses pulsions orgasmiques et sa libido hypocrite s'arrêtant, j'ai perdu de ses nouvelles du jour au lendemain. Cette fille a disparu de la circulation, comme morte. Ce sont des gens qui pouvaient bien la croiser, ici ou là, qui, de temps en temps, m'informaient qu'elle était en vie. J'avais souvent entendu des hommes faire ça aux femmes, ceux que l'on appelle les tocards, les sagouins, les goujats. Mais je ne pensais pas qu'un jour, une femme allait me faire le coup de la morte après avoir couché avec moi pendant une si longue période. Comme quoi, tout arrive. Méfiez-vous des vierges et des maris. Les apparences sont parfois trompeuses. Fini les temps liturgiques. Fini la Bible et les œuvres saintes. En 2023, Marie n'est plus vierge. Marie est une imposture comme les autres.